Le billet de 1000. Je tirais depuis quelque temps un peu le diable par la queue. Quand je touche hier 1000 francs en belle paperasse bleue, hé, fis-je, heureux comme un gamin, allons faire un tour par la ville et jetons l'or à pleine main avec mon beau billet de 1000. Et me voilà, le cœur joyeux, m'étalant dans mon importance, croyant qu'on peut voir dans mes yeux quel est l'état de mes finances. Pour me réchauffer l'estomac, j'entre acheter un bon manille chez la marchande de tabac avec mon beau billet de 1000. Je choisis, je prends, je remets, je fais craquer tous les cigares avec cet air des fins gourmets, méprisant les fumeurs barbares. Là, mon choix est fait, payez-vous. Pas de monnaie? Ah, quelle tuile! Je ne puis donner 4 sous avec mon beau billet de 1000. Ah, bah, me dis-je, allons toujours dîner, nous fumerons ensuite. Et d'abord à nous les amours. Je connais certaines petites. Courons l'inviter à dîner. Chez Ninette, aussitôt je file, comme on va gaiement festiner avec mon beau billet de 1000. Tous deux, bras dessus, bras dessous, contrefaçon de l'hyménée, nous partons comme deux époux, l'âme d'amour tout imprégnée. On se sent charitable et bon. Un pauvre tend sa main débile. Je veux lui donner, quel guignon, rien que mon beau billet de 1000. Tu n'aurais pas 2 sous sur toi, fais-je à l'enfant, la moindre somme? Je ne prends jamais rien sur moi lorsque je sors avec un homme. Reste affilé piteusement. Vrai, mon argent m'est bien utile si je suis pauvre, franchement, avec mon beau billet de 1000. Et ce billet m'est un fardeau. L'avoir et n'en pouvoir rien faire. J'en voudrais donner un lambeau à chaque pauvre de la terre. Tout me tente, ce que je vois. Tentation bien inutile. Je suis bien avancé, ma foi, avec mon beau billet de 1000. Ici, c'est un joli blondin qui contemple, avec convoitise, l'étalage d'un magasin, fort tentant pour sa gourmandise. Moi, je pourrais le contenter. 1 ou 2 gâteaux, c'est facile, mais je ne puis rien acheter avec mon beau billet de 1000. Là, c'est un enfant qui me tend un frais bouquet de violettes. 2 sous, ça n'est pas cher, vraiment, pour faire plaisir à Ninette. Tiens, je sais fort bien que c'est peu. Quand on les a, c'est très facile. Si l'on peut me rendre, parbleu, voici mon beau billet de 1000. Puis un fiacre vient à passer, qui sur sa route m'éclabousse. Vite, il faut me faire brosser. Hé, l'Auvergnat, à la rescousse! Il vient? Non, je dois déclarer que sa présence est inutile. Je ne puis me faire crier avec mon beau billet de 1000. Enfin, mon supplice a sa fin. Un restaurant, c'est notre affaire. Ninette et moi mourrons de faim. Quel bon dîner nous allons faire! En cabinet particulier nous nous mettons. C'est plus tranquille. Et je puis bien me le payer avec mon beau billet de 1000. Nous eûmes un dîner exquis. Et Ninette aussi fut exquise. Elle m'avait vraiment conquis. Je l'avais tout à fait conquise. « Ah, parle, dis ce que tu veux, » murmurai-je, touchant idylle. « Je puis exaucer tous tes vœux avec mon beau billet de 1000. » Et le fait est qu'il me semblait plus doux encore de me voir riche. Elle aura tout ce qui lui plaît, et je puis ne pas être chiche. Comme alors son œil s'animait, que son regard était fébrile. C'est pour moi seule qu'elle m'aimait, pas pour mon beau billet de 1000. Bref, en passant, elle parla qu'elle avait bien certaines dettes. Une dette? Qu'est-ce là? Je m'en charge, c'est chose faite. Tiens, nous allons tout arranger, fis-je mignonne, c'est facile, et je n'ai qu'à faire changer avec mon beau billet de 1000. Hein? Fit-elle, qu'est-ce ceci? Pour moi, je ne veux pas qu'on change. Hé, laissez ce billet ici. Moi, je dus céder à cet ange. Digne au garçon, elle arracha le billet, puis, calme et tranquille, distraitement, elle empocha, flan, tout mon beau billet de 1000. Je fus un instant ahuri. Moi, j'avais compris d'autres choses, mais, bah, que faire? J'en ai ri. C'est égal, Ninette est très forte. Pourtant, je ne puis soupçonner qu'elle eût l'intérêt pour mobile, car elle a payé le dîner avec mon beau billet de 1000.